Faut représenter là où on va passer pour des putes. Eh ben viens, on y va. FF, connexion X-Men, c'est maintenant ou jamais. Et pour toujours. Faut y croire, frère. Garde la foi. À 6 ans, je me retrouve seul avec ma mère qui rame. C'est pas des vies, cauchemar réveillé, drame. On survit pour elle, j'ai suivi les cours du mieux que je pouvais. Piller les bourses d'études tant que l'éducation me voulait. Ça te fait chier, mais ma vie c'est pas un film de riche. Plein de coques et de putes, plutôt finir comme Paris. Plein de potes et de putes, né pour faire du rap. Pas pour rire, je peux mourir demain, qui sait. L'échec, seul risque à courir. Maintenant tu comprends pourquoi on s'en prend aux institutions. Instituteurs qui jouent les tuteurs à toute heure dans le quartier, mon secteur. Ça parle fort de thunes, si tu as le vœu de futures fortunes. Au moins on en fait le vœu. Ça t'inquiète, nous qui tu sais qu'on en veut. On a pris nos résolutions. Le monde va mal où on va, man, en route vers la révolution. Vivement que ça aille. C'est maintenant ou jamais, je ferme pas mon cul. Achète-moi une muselière si tu veux éviter que ça parte en couille d'un coup. Faut que ce produit foute le feu sur le marché. On en chie et le chétan plane telle une épée de Damoclès. On décompresse Marie-Jeanne et Marie-Gay. J'ai des longes pour les miens de la rue même s'ils sont mal vus. Snob, on se moque de tout. On se moque de vous, même angoissé par l'avenir et les sous. On aime nos vies de fous. Les vieux nous disent perdez pas le sourire. L'espoir est là tant que les dieux peuvent sourire. Donc on en reste là. Pour s'en sortir ça urge. On va pas rester là à attendre le déluge. Chacun fait sa vie quand tout est fini, Dieu seul juge. Patron de la rime organisée, le feu couvre dans ma tête d'ange. J'ai l'arme dans la main droite et la gauche qui me démange. Mon clan, une équipe sale et soude, rodée à toutes sortes de missions. Section nique tout en formation. Discret, prêt à tout pour s'imposer. Planter le clou, quitte à arroser. Nettoyer par le vide et donner la nausée aux ennemis. Quand ils verront nos œuvres, faire pleurer leur mère. Les témoins se taisent et se tairent, l'omerta nous protège. Et des petits qu'on veut nous jouer des tours. Ce mec nous a pris pour des porte-valises. Faut que je le délivre pour toujours. Je l'exécute la mort dans l'âme en voyant ses yeux pleins de larmes. Je détourne la tête et laisse parler larmes, implorant l'éternel miséricordieux pour sa clémence. Réveille nos consciences, faut pas que la vie nous plonge dans la démence. J'ouvre un œil immense sur le monde gangréné par la corruption. L'injustice règne en bas, on se bat. Pourquoi ces divisions? On est tous des homo sapiens, à l'avenir mince. Quand je pense aux absents, mon cœur se pince. C'est aussi pour eux qu'on est là et qu'on lâche pas prise. Faut montrer qui on est à ces enculés de snobs qui nous méprisent. Nous, nos vies et nos propos, on les défend haut et fort, tu vois le topo. Chapeau vol, tout ce qui traîne, entraîner tôt et coucher tard. Faire dodo, ça rapporte rien. Je vais faire du fric rien qu'en respirant et manger mieux que bien. Bon salut. Eric d'or, peau de couleur bronze, dont le langage plaît peu. Mon peuple sneak et s'estompe. Stop, futur ex-pauvre comme Big Papa. J'bombe biceps, gros bras. Pour que mes ennemis sachent qu'en cas d'approche, mon aura les bras. Maintenant ou jamais, j'ai le goût du risque comme l'agence. Respect à mes gars rares comme la chance. Ça change, un gang d'aliens dans la machine. Imagine FF et X-Men pour la magie. J'fauche les clones comme la mort en personne. Faut que je récupère le trône pour les miens et mon dôme. On dérègle vos notions, mix d'herbe et de chest. Filtre, cérébral, commotion. Des francs frais pour des promotions. Des nièces pour mon gros chauve comme l'oncle Fester. Des gens vrais comme potion. Des bières Foster, fraîche des lyrics. Libérés sous caution. Envoyer de l'espace vers le globe. Émotion garantie, apocalypse nerf. Wow, la terre en chaos. Sous des bombes à neutrons et neutro anéantis. Putain, regarde ce monde sombre dans la décadence. Pendant ce temps, les nôtres dansent. Mais dansent sur leur potence. Tension basse, casse, masse ton cerveau. Tension basse, casse, masse les cerveaux. Des peuples aveugles, neutres. Élu dans meurtre, dont je heurte le mœurs. Baf ta nurse, crée notre propre morse comme d'autres avant. Mais c'est pour de bon cette fois, d'ici à Mars. On heurte. C'est maintenant ou jamais. Les sectes deviennent religion. Le liquide du sexe coule à profusion et crée des récoltes de graines pourries qui germent de Paris à Marseille. Métamorphose les bouches de foot en mauvaises herbes. Flirt avec l'au-delà, commettre au délit. Les armes sous les lits, il nous reste peu de délai. Si je meurs, les 3-6, faites pas mort. Je renais entre cendres et pleurs, comme le phénix. Et il mixe atomes et molécules. Pour que nos mots nous prennent avec des calibres sous les polopules. Dans les rues et métro, pour nous mettre au trou pour des crimes créés par d'autres créatures, jamais on est trop. Faites la hola comme au vélodrome. Au milieu de gros drames, les deux hommes à main réunissent les deux zones. J'enfante la haine dans la douleur comme pour une césarienne. Y'en a que pour arien zéarienne, pour un black césarien. Mais je reste haut et aérien. Esclave, jamais patron. Guerrier sans glaive, nous au pouvoir, non pas trop. Ils souhaitent que le sang dans notre corps s'enlève. Ils pendent nos prêtres, veulent nous faire parler sans lèvres. Nous infiltrent avec des traîtres qui fument nos filtres. Facile à connaître, tu sais comment sont les nègres entre eux. Et si tu sais vraiment, entre dans le dos. Manama, sur terre tu apprendras à te battre en enfer. Pas t'en laisser le temps passer dans la rue, faut rien jeter au hasard. Trop de hila, vis bizarre, faut montrer quoi t'es capable. Rester honnête avec ses semblables. Envie hantée par le diable des potes, pas en excursion. L'envie de faire des millions sans se poser de questions. Coup à la vedette, à cet instant précis faut pas faire la trompette. Tourner le dos à ses amis comme une tapette. C'est maintenant ou jamais, ça jette sans regarder, bien sûr ça a merdé. Une balance avertie les condés. L'envie de vivre dans le luxe, c'est fou. Les jeunes vivent de rien, obligatoirement faut des sous de nos jours. Que des vautours qui courent après la fortune. Tous les chemins sont bons pour réussir. Chacun est maître de son avenir. C'est maintenant ou jamais. Maintenant ou jamais. Tu as vu? Maintenant ou jamais. Garde la foi, frérot. Tous les trucs dans l'eau. Tous les trucs en bas. Je suis le même cas. Jamais. Jamais. Les premiers seront les derniers. Les trucs en dernier. Toi, Sac, Menzo, Jano. FF X-Men, nique tout. Star du X. À jamais, à la vie, à la mort. Garde la foi, frérot. Fends ton âme et ton corps. De maintenant ou jamais.